C'est une nouvelle blague. T'envoies un lien et rien de plus. Ça envoie sur un clip de Rick Astley. Tu chantes son clip de Never Gonna Give You Up. Ah, je me demande ce qu'il pense de ça. Être une tête de blague. Tu viens de te faire Rickroll. Je t'ai bien eu pauvre nous. Qu'est-ce que je suis puissant, Noël. Tu viens de te faire Rickroll. Maintenant do a barrel roll. Tu viens de te faire avoir, Noël. Tu croyais avoir un truc cool, un Technomix nouveau sur Zelda, mais non. Tu te retrouves avec cette grosse bouse. Qu'est-ce que je me poile derrière mon écran. Je me soucie pas de ce que tu ressens. Tu peux crever moi, je m'en marre. Tu viens de te faire Rickroll. Je t'ai bien eu pauvre nous. Qu'est-ce que je suis puissant, Noël. Tu viens de te faire Rickroll. Maintenant do a barrel roll. Tu viens de te faire avoir, Noël. Tu viens de te faire Rickroll. Je t'ai bien eu pauvre nous. Qu'est-ce que je suis puissant, Noël. Tu viens de te faire Rickroll. Maintenant do a barrel roll. Tu viens de te faire. Tu viens de te faire c'est vraiment une blague bas étage. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais ça c'était marrant. Cela dit, c'est peut-être trop utilisé. Qu'est-ce que j'y peux, faut croire que c'est drôle. Je me soucie pas de ce que tu ressens. Je suis puissant.